Le Moine, lu par Jeanne Moreau. Un scénario inédit, non tourné, de Jean-Claude Carrière et Louise Bunuel. Adapté du livre de Lewis, Le Moine. Enregistré en public au Grand Théâtre d'Angers, dans le cadre du festival Premier Plan d'Angers, le 24 janvier 2009. Une place dans une ville du XVIIIe siècle. L'entrée d'un couvent jouxte une église. Dans un coin du couvent, un frère agite une petite cloche accrochée au mur, passe deux autres frères qui portent dans un chaudron de cuivre la nourriture de la communauté. Ils se hâtent vers le réfectoire. Là, une trentaine de moines, debout autour d'une table en U. Le seul novice du couvent, vêtu de blanc, est assis à l'extrémité de cette table. Il s'appelle Jean. Le supérieur, le père Ambrosio, récite les prières qui précèdent le repas. C'est un homme d'une quarantaine d'années, au visage vigoureusement taillé, aux yeux noirs et vifs. On le sent énergique, dur envers lui-même et envers les autres. Les deux frères qui portaient le chaudron se mettent à servir en commençant par le supérieur. Celui-ci ne mange pas. Il regarde une place vide, un moine est absent. À ce moment, un moine pénètre rapidement et gagne la place laissée libre. C'est le père Pablo. Moine infirmier, un homme assez âgé, un visage doux et bon, un peu distrait. Ambrosio parle d'un ton froid et calme. Celui qui arrive en retard au repas, qu'il retourne à jeun à son travail ou à sa cellule, et qu'il reçoive 20 coups de fouet. Le père Pablo, qui allait s'asseoir, quitte le réfectoire, après s'être incliné respectueusement. Ambrosio commence à manger lentement, imité par tous les autres. Un moine, dans une petite chaire surélevée, commence à lire. Alors il dit à l'homme, « Qu'as-tu fait? Où es-tu allé? Qu'as-tu pensé? Qu'as-tu vu? Qu'as-tu dit? Aujourd'hui, donne-moi ma place. » Et l'homme répondit, « Seigneur, je n'ai de place pour toi que dans mon âme. » Nous sommes maintenant dans la cellule du supérieur, une petite pièce au mur clair, au mur dans un cadre en bois doré, un beau portrait de la Vierge. Ambrosio, agenouillé sur le sol de la cellule, prie avec une grande ferveur. Jean, le novice, entre silencieusement dans la cellule, sans un mot et sans que le supérieur paraisse remarquer sa présence. Le novice dispose des fleurs, des lys, dans les deux vases qui sont placés sous le portrait de la Vierge. Ambrosio prie, le visage levé vers le tableau. Sainte Vierge Marie, daignez inspirer les paroles que je vais prononcer aujourd'hui. Accordez aux plus humbles de vos humbles serviteurs la force de convaincre les pécheurs et de consolider la foi des justes. Le novice a fini de disposer les fleurs. Ambrosio se relève. « Merci, frère Jean. » Le novice s'incline et va pour sortir. Ambrosio lui demande avec douceur, « Vous m'avez obéi. Vous avez supprimé vos trop sévères pénitences, vos flagellations. » « Oui, mon père, vous allez mieux. » Jean détourne son regard comme s'il était vivement touché. Sans un mot, il sort. Ambrosio le suit d'un regard indulgent, plein de pitié affectueuse. Les cloches de l'église du couvent sonnent. La nef est déjà presque pleine. Les gens s'installent dans un grand brouhaha. Des marchands d'objets religieux, cierges, images saintes, rosaires, circulent dans l'église. On remarque un personnage d'une cinquantaine d'années, au visage affable, le duc de Talamour. Il caresse les cheveux d'une petite fille de 8 à 10 ans qui se tient, magnifiquement habillée, très sage, près de lui. Elle s'appelle Juliette. Une très jeune fille, âgée de 16 ou 17 ans, modestement vêtue, Antonia, se glisse dans la foule des fidèles en compagnie de sa mère, Elvire. Elle cherche vainement une place. Le duc de Talamour aperçoit les deux femmes. Il fait un geste au secrétaire factotum qui se tient derrière lui, Donatien. Celui-ci rejoint les deux femmes. Le duc de Talamour vous prie de partager son banc. Elvire, Antonia, sa fille, viennent s'asseoir auprès du duc. Elvire, monsieur le duc, nous vous sommes très obligés. Le duc observe les vêtements des deux femmes. Vous venez sans doute de province. En effet, il y a très peu de temps que nous sommes installés ici. Le duc hoche la tête. Son regard se pose sur Antonia. Cette dame est votre fille ? Elvire, surprise par l'emploi du mot dame. Oui, monsieur le duc. Le duc se penche vers Antonia. Dites-moi, avez-vous des enfants ? Intimidée, rougissante, Antonia ne sait que répondre. Donatien, le factotum, se penche alors. Monsieur le duc aime beaucoup les enfants. Le duc a déjà oublié la question qu'il vient de poser. Il caresse discrètement les cheveux de la petite fille, sagement assise à ses côtés. Et le duc dit à Elvire, si vous venez de province, vous n'avez jamais entendu prêcher le père Ambrosio. Non, jamais. Vous voyez, toute la ville vient l'écouter. Quel homme! Quelle rigueur, quelle austérité. Je l'admire beaucoup. Il a un sens de la chasteté incomparable. Il prêche même contre le mariage. Il a bien raison. Elvire écoute le duc avec intérêt. On dit qu'il ne connaît pas la différence entre un homme et une femme. Pendant ce temps, les moines pénètrent dans l'église, gagnent leur place dans le chœur. Et puis, un cortège d'un certain apparat entre dans l'église. En tête s'avance un moine âgé de 50 ans, son visage mince, aigu et sans méchanceté. Ses yeux sont mobiles, perçants, cernés de noir. C'est le grand inquisiteur, un dominicain. Derrière lui viennent trois ou quatre autres moines de son ordre. La foule s'écarte respectueusement, presque craintivement. Un fauteuil a été réservé à l'inquisiteur. Soudain, un des moines se dirige rapidement vers la nef. Ambrosio achève de gravir les marches de la chaire. Les conversations se taisent. Ambrosio, arrivé en haut des marches, ôte son capuchon. Il apparaît tête nue. Il fait le signe de la croix, imité par tous les fidèles, en disant « In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ». Il commence alors à parler d'une voix d'abord très calme qui s'anime peu à peu. Voici les paroles de l'apôtre Paul. La chair est envieuse de l'esprit et l'esprit est envieux de la chair. Mes frères, dans cette lutte sans fin, comment l'esprit pourrait-il triompher et s'unir à Dieu sans l'aide de la chasteté ? Fleur impérissable, trésor invisible, fortement imprenable, perle précieuse qui craint tous les regards, excepté les regards de Dieu. La chasteté n'est point une chaîne dure et pesante, elle n'est point un châtiment ou un fardeau, elle est au contraire une liberté, une paix, une douce protection contre les tribulations amères qui guettent les voluptueux et les dissolus. À ceux-là, l'enfer est promis. toute la nature humaine est souffrance. Et s'il est permis de chercher dans le mariage un secours à l'infirmité de la chair, heureux celui qui n'en a pas besoin. Heureux celui qui ne tombe pas et qui ne donne pas aux autres l'occasion de tomber. Car la virginité du corps opère la virginité de l'esprit qui seul peut nous conduire à la royauté éternelle près de Dieu infiniment pur. Toute l'attention de l'assemblée tendue vers la chair, le duc de Talamour est extrêmement intéressé. Non loin de lui, Antonia, émerveillée et fascinée par l'homme qu'elle entend, qu'elle voit pour la première fois. Le grand inquisiteur écoute, attentif, immobile, les yeux fixes. Dans un coin du cœur, le novice, Jean, tête baissée, capuchon rabattu, fait lentement, discrètement, tourner une rose entre ses doigts. Le clair de lune éclaire les arcades du cloître et le jardin. Au premier étage du cloître, les moines se retirent un à un dans leurs cellules. Ils ferment les portes. Deux moines se croisent, ils échangent à voix basse quelques mots en latin. Satanas malevolens, sed deus omnipotens. Ambrosio marche lentement, surveillant le coucher des moines, méditant. Soudain, son visage paraît surpris, un peu mécontent. Il aperçoit dans le jardin, à demi couché sur un banc de pierre, seul, le novice Jean. Ambrosio gagne rapidement un escalier, descend vers le jardin, fâché de voir que le novice n'est pas encore couché. Celui-ci a le coude appuyé sur le dossier du banc et la tête cachée dans son bras. Il paraît fatigué. Entendant les pas du supérieur, il se redresse, rabat son capuchon. « Frère Jean, vous êtes malade. Non, mon père. Alors que faites-vous là? Tous les autres ont déjà gagné leurs cellules. Rentrez, oui, mon père. » Il fait quelques pas. Soudain, il s'arrête, comme s'il hésitait. Qu'y a-t-il? Je ne sais pas, je... Frère Jean, je dois vous mettre en garde. Vous confondez la méditation et la rêverie. Vous n'avez pas encore prononcé vos vœux. Apprenez qu'un couvent n'est pas fait pour que l'homme y vive seul. Il doit avant tout respecter les règles de l'ordre. Oui, je sais que je n'aurais pas dû rester dans le jardin, mais je voulais... Que vouliez-vous? Je voulais attirer votre attention, mon père. Comment? J'avais l'espoir de vous parler, maintenant, je n'ose plus. Qu'avez-vous à me dire? Quelquefois, je regrette de n'être pas mort. Quelle souffrance j'aurais évité. Des souffrances? À votre âge, mon frère? Si vous les connaissiez, elles provoqueraient votre colère et peut-être votre pitié. Pourquoi ma colère? Depuis que je vis auprès de vous, j'ai perdu la paix de mon âme. Et pour quelle raison? C'est un secret. Entre ces murs, il n'y a pas de secret. Si je peux vous soulager, je le ferai. Dites-moi ce qui vous trouble. Si je vous le dis, promettez-vous de ne pas me renvoyer hors du couvent, loin de vous? Je n'ai rien à vous promettre. Parlez. Mon père, je vous aime. Ambrosio reste un moment silencieux, il réfléchit un instant. Moi aussi, je vous aime, comme j'aime mes frères, comme nous devons tous nous aimer. Dieu lui-même est amour. Ce n'est pas de cet amour-là que je veux parler. Vous ne savez pas ce que vous dites. Rentrez dans votre cellule. Il fait demi-tour, se dirige rapidement vers l'escalier. Jean court, le rattrape, lui barre le passage. Il le force à s'arrêter. « Mon père, je vous en supplie, écoutez-moi, je ne vous ai pas tout dit. » Soudain, Jean fait glisser son capuchon. De longs cheveux de femme se répandent sur ses épaules. « Je suis une femme. » Ambrosio regarde sans dire un mot cette femme qui vient de se révéler à lui. On découvrira qu'elle s'appelle Mathilde. Cette femme qui poursuit à voix basse. « J'avais juré de ne jamais vous faire cet aveu. Mais je suis une femme et je vous aime. » Ambrosio a presque un geste d'horreur pour écarter Mathilde. Mathilde le saisit par le bras. « Ne me fuyez pas, ne me repoussez pas. Vous serez le seul à le savoir. Tout ce que je demande, c'est de rester ici. » Vous voir chaque jour, écouter vos paroles, vous sentir près de moi. Il fait brutalement demi-tour, remonte rapidement l'escalier. Mathilde rabat son capuchon et s'éloigne dans le jardin. La tête dans ses mains, le supérieur est agenouillé devant le tableau de la Vierge. Il prie avec ferveur, à voix très basse. Il relève la tête, contemple le portrait de la Vierge et cesse soudain de prier. L'image de Marie vient de lui remettre en mémoire une autre femme. Il se tourne alors vers le crucifix et continue à prier. Tout à coup, il entend la porte de sa cellule qui s'ouvre, il se retourne. Mathilde est là. Elle vient d'entrer dans la cellule, elle ôte son capuchon. Ses cheveux sont répandus sur ses épaules, elle paraît très émue. Ambrosio lui dit d'une voix basse mais ferme, « Sortez immédiatement. » « Non, ne me chassez pas, je vous en supplie. Partez, ou j'appelle mes frères. Vous savez ce que vous risquez si l'on vous découvre ? Tout m'est égal, je n'ai pas peur, je veux rester ici. » Vous serez enfermé dans un cachot jusqu'à votre mort. Mathilde, sans quitter du regard Ambrosio, écarte brusquement sa robe de novice, laissant apparaître sa poitrine nue. Autant mourir tout de suite. Elle saisit un poignard qu'elle tenait caché sous ses vêtements. Elle l'appuie, la pointe sur son sein gauche. Une goutte de sang apparaît. Ambrosio se précipite vers elle, lui saisit le bras. Un suicide ici. Il lutte un instant. Au cours de la lutte, Mathilde laisse glisser à terre sa robe de novice. Elle porte au-dessous un mince vêtement féminin. Ambrosio réussit à tordre le bras de Mathilde et le poignard tombe à terre. Mais Mathilde n'abandonne pas Ambrosio. Elle essaie même de l'enlacer. « Lâchez-moi, sortez. Je ne veux pas partir. » Ambrosio saisit le morceau de bois qui lui sert d'oreiller, le lève et en frappe Mathilde. Elle tombe, inanimée sur le sol de la cellule. Ses vêtements entrouverts laissent encore apparaître sa gorge. Ambrosio reste un instant indécis, regardant Mathilde. Le coup qu'il lui a donné a laissé une trace sur la tempe de la femme. Le supérieur se penche vers Mathilde. D'une main peu sûre, il remet en place le vêtement qui laisse voir la gorge. Alors, Mathilde, lentement, ouvre les yeux, son regard rencontre celui du moine. Un instant, face à face, immobile, il garde le silence. L'une des mains de Mathilde s'élève lentement et se glisse le long du bras, puis sur les épaules du supérieur. Celui-ci ne bouge pas. Il ne fait rien pour repousser Mathilde. Il est déjà vaincu. Se laissant tomber sur le sol auprès du corps de Mathilde, il enfouit sa tête dans le creux de son épaule. Il cache son visage dans les longs cheveux dénoués. C'est le matin, le jour se lève. Au loin, sur les montagnes qui entourent la ville, et dans le clocher du couvent, une cloche sonne. Quelques fidèles pénètrent dans l'église du couvent. Dans la sacristie, un jeune moine de 25 à 30 ans, le père Joachim, aide Ambrosio à revêtir les vêtements que porte le prêtre pour célébrer la messe. Ambrosio est pâle. Son regard est absent, égaré. Joachim, qui l'aide et qui l'observe, lui demande « Votre référence ne se sent pas bien ?»« Si, si, » répond Ambrosio en enfilant rapidement la chasuble. Dans l'église, il y a peu de fidèles pour cette première messe du matin. Ambrosio, qui célèbre la messe, saisit l'hostie, s'incline vers l'autel en prononçant les paroles sacramentelles à mi-voix. Puis il fait une génuflexion. Le père Joachim agite la sonnette. Ambrosio se relève et, tenant l'hostie à deux mains, il l'élève lentement. Soudain, un éclair blanc jaillit. L'hostie entre les mains du supérieur se transforme en une colombe qui prend son vol. Ambrosio s'appuie des deux mains sur l'autel comme pour se soutenir, mais ses forces l'abandonnent et il s'écroule de tout son long sur les marches, foudroyé. Ambrosio, dans sa cellule, il est couché, les yeux ouverts. Il est revenu à lui. Sa respiration est rapide. Le vieux père Pablo lui fait boire une potion dans un bol. On aperçoit Mathilde, toujours revêtue de sa robe de novice, le capuchon rabattu sur les yeux. Pablo a apporté avec lui quelques médicaments d'urgence. Que votre révérence prenne ça. Ambrosio boit docilement. Aujourd'hui, reposez-vous, ne sortez pas. Il se retourne vers Mathilde. Frère Jean, vous resterez près de lui. Et en lui donnant la fiole qui contient la potion, il ajoute « Faites-le boire toutes les heures. Appelez-moi en cas de besoin. Surtout qu'il ne parle pas. » Mathilde hoche la tête. Pablo et les autres moines sortent et referment la porte derrière eux. Quand Mathilde est seule avec Ambrosio, elle s'approche rapidement de lui et lui demande, sur le ton de la plus vive curiosité, « Que s'est-il passé ?» Ambrosio lui répond d'une voix faible et mue, « Une lumière, une colombe. À l'instant même où j'élevais les mains, Dieu m'a sauvé au dernier moment. » J'allais commettre une profanation. Une profanation. J'allais communier en état de péché mortel. Une telle faiblesse chez un homme comme vous. Quelle imprudence. Vous avez failli nous trahir. Mathilde, je suis perdue. Si vous restez ici, tôt ou tard, je serai découvert. Je ne pourrai pas vous résister. Et surtout, surtout, mon âme sera damnée. Voulez-vous que je m'en aille pour toujours? Non! Non, je ne peux pas rester près de moi. Alors soyons prudents. Agissons comme d'habitude. Personne ne doutera de nous. D'une main, elle caresse le visage du supérieur. Je suis heureuse. Il y a si longtemps que je vous aime. Depuis que je vous ai entendu pour la première fois, j'ai tout fait pour vous approcher. Je voulais vivre près de vous, silencieuse, inconnue, écouter votre voix. Moi aussi, je vous aime. Mais j'ai horreur de ce que j'ai fait. Je me méprise. Je n'oserai plus paraître devant mes frères. Débarrassez-vous de ces regrets. J'ai partagé votre péché. Vous avez partagé mon plaisir. Et vous aurez bien le temps de vous repentir. Taisez-vous. Elle se penche alors vers lui. Et insistante, tentatrice, elle murmure. Le vœu de chasteté va contre nature. Réjouissez-vous de l'avoir brisé. Ne me faites pas de reproches. Et maintenant, serrez-moi dans vos bras. Ambrosio prend Mathilde dans ses bras. Il la tire doucement vers lui. Quand je ne savais pas encore que vous étiez une femme, quelque chose m'attirait déjà vers vous. J'aimais votre présence, le son de votre voix, votre démarche. Mathilde l'embrasse. Il lui rend son baiser. Elle s'écarte de lui et dit « Nous nous retrouverons ici toutes les nuits. » « Non, pas ici. On pourrait nous surprendre. » Une salle sombre, voûtée, soutenue par de lourdes colonnes, des tombeaux anciens, une porte aux garnitures de bronze qui donne sur une petite chapelle s'ouvre. Mathilde et Ambrosio paraissent. Ambrosio secoue l'épaisse poussière qui imprègne ses vêtements. Il referme la porte de la chapelle qui a abrité leur rendez-vous. Sans bruit, il se dirige vers un petit escalier. Ils commencent à le gravir, l'oreille aux aguets. Dans une rue de la ville, le matin, Ambrosio s'avance dans cette rue en compagnie du père Bruno. Celui-ci est un moine très âgé, vénérable, à la barbe blanche. Des passants reconnaissent le supérieur, une femme lui demande de la bénir. Ambrosio esquisse un geste de bénédiction sans s'arrêter. Les deux moines, à un détour de la rue, rencontrent le duc de Talamour. Celui-ci, accompagné de son factotum donatien, paraît très heureux de cette rencontre. Il s'incline dévotement devant le supérieur et lui baise la main. « Père Ambrosio, quelle joie de vous rencontrer !» Ambrosio lui rend son salut. « Que Dieu bénisse le bienfaiteur de notre couvent. »« Oh, mes dons ne sont rien à côté des bienfaits de votre parole et de votre exemple. »« Vous allez chez vos malades ?»« Oui. »« Si, au cours de vos visites, vous rencontrez une pauvre petite orpheline, vous pouvez me la confier. »« Elle trouvera toujours bon accueil au château. »« Je sais. » Je ne manquerai pas de vous prévenir. Eh bien, je ne veux pas vous retarder, mon père. Maintenant, nous sommes dans la maison d'Elvire et de sa fille, Antonia. Nous sommes très exactement dans la chambre de la mère, Elvire, couchée dans son lit, très pâle, amaigrie. Elle a les yeux fermés, elle paraît gravement malade. Sa fille, Antonia, lui passe un linge humide sur le front. Auprès du lit se tient également Flora, une vieille servante. Et en entendant ouvrir la porte de la chambre, Antonia et Flora s'écartent du lit. Antonia va vers la porte et se trouve en face d'Ambrosio. Très surprise, très heureuse que le supérieur soit venu en personne. Vous, mon père, quel honneur! Je ne m'attendais pas. Intimidée, elle s'incline devant lui. Le supérieur, extrêmement frappé par la beauté de la jeune fille, reste un court instant immobile, la regardant s'incliner puis se relever. Il reprend son sang-froid. Comment va-t-elle ? Antonia, elle est très faible. Vous êtes sa fille ? Oui. Ambrosio s'approche du lit de la malade. Il s'assied sur une chaise et saisit l'une des mains d'Elvire. Celle-ci ouvre les yeux, le regarde. Ambrosio lui dit « N'ayez aucune crainte. Le Christ a dit « Je suis la résurrection et la vie. Priez. La foi peut beaucoup plus que la science des hommes. » Elvire, d'une voix basse et brisée, « Ce n'est pas pour moi que j'ai peur, mais pour ma fille, Antonia. » Ambrosio tourne la tête vers Antonia, il la voit bouleversée. Il la regarde un court instant, impassible, impénétrable. Antonia baisse les yeux. Elvire poursuit. « Antonia, que je laisserai seule, sans argent, elle qui ne sait rien de la vie. Je vous promets que je m'occuperai d'elle si Dieu vous rappelle à lui. » Désirez-vous vous confesser ? Elvire hoche faiblement la tête. Je vous laisse avec le père Bruno. Le père Bruno prend la place d'Ambrosio. Antonia ouvre la porte qui fait communiquer la chambre d'Elvire avec un petit salon et elle fait passer le supérieur devant elle. La vieille servante, Flora, sort par une autre porte. Antonia et le moine sont seuls dans le salon. Antonia, très émue, lui dit « Je n'ai qu'elle au monde. » Ambrosio, fasciné par la jeunesse et la grande beauté d'Antonia, lui pose une main sur l'épaule. « Votre mère n'est pas perdue. Ne pleurez pas. » Antonia se laisse tomber soudain. À ses pieds, elle lui saisit les mains qu'elle couvre de baisers et de larmes. « Ah, mon père, vous voir ici, vous, il me semble qu'elle est déjà guérie. Je ne fais pas de miracle, relevez-vous. Si vous priez pour elle, je suis sûr que Dieu vous écoutera. Je ne vous ai entendu qu'une fois, mais votre sermon m'a bouleversé. J'ai cru voir le ciel et l'enfer, et je suis sorti de l'église en larmes. » Elle n'a pas lâché ses mains et se tient tout près de lui. Ambrosio est troublé. Vous êtes toute innocence et toute beauté. La pureté de votre âme se lit dans la clarté de vos yeux. Dégageant une de ses mains, il la passe doucement sur les joues d'Antonia, essuyant ses larmes. Mais la pureté de votre âme se lit dans la douceur de votre visage. Que de trésors de grâce vous possédez sans le savoir. Promettez-moi de revenir. Oui, je reviendrai. Mais il ne faudra pas le répéter autour de vous. Car on me reprocherait de favoriser votre mère au détriment d'autres malades. Et c'est lui, maintenant, qui saisit les deux mains de la jeune fille et qui les presse contre lui. Antonia, en souriant, lui dit « Merci. Je craignais votre refus. » Et dans le cloître, c'est l'heure de la promenade, les moines déambulent lentement, seuls ou en petits groupes, lisant ou méditant. Mathilde, le capuchon rabattu, marche, seule, désœuvrée. Ambrosio s'avance en compagnie du moine portier. Celui-ci lui parle sans qu'on entende ce qu'il dit. Ambrosio paraît surpris. Le portier s'éloigne. Ambrosio s'approche alors rapidement de Mathilde. Le duc de Talamour demande que vous alliez à son château. Mathilde ne répond rien. Mais je ne comprends pas. Le duc est le bienfaiteur du couvent. Je peux difficilement refusé, mais vous le connaissez, Mathilde. Ne soyez pas curieux. Ils se mettent en marche comme les autres moines, lentement, Tout en continuant à parler, Mathilde garde la tête baissée dans l'attitude de la plus grande humilité. Ambrosio est peut-être effrayé à l'idée que le duc puisse connaître la véritable identité de Mathilde. Peut-être est-il jaloux aussi. Vous étiez lié avec lui. Il sait qui vous êtes. Aucune importance. C'est un ami, je vous expliquerai. Dites qu'on me laisse sortir. Ambrosio, non. Cette séparation va m'être trop pénible. Je ne peux plus me passer de vous, de vos... Et à ce moment, brusquement, il élève la voix. Souvenez-vous de la parole de l'apôtre, obéissez, car Dieu seul commande. Parce qu'un moine les croisait à l'instant même. Tous deux continuent à marcher. Ambrosio reprend d'une voix plus basse. Je ne peux pas me passer de vos lèvres, de votre peau si douce, de votre caresse. Ah, si je pouvais partir avec vous. Vous mentez. Comment ? Depuis quelques jours, quand vous me prenez dans vos bras, je sens qu'il y a une femme entre nous. Pourquoi pensez-vous cela ? Mathilde, un peu triste. D'ailleurs, cela m'est égal. Et cela me fait plaisir. Tout ce qui peut contribuer à votre bonheur, je l'accepte. Mathilde, vous vous trompez, vous me manquerez. Je vous l'assure. Le château de Talamour. C'est le château où habite le duc. Il se dresse en pleine campagne, isolé. Un édifice médiéval, un haut donjon carré, entouré d'une enceinte de remparts et d'un fossé qu'on franchit par un pont-levis. Une lumière brille à une fenêtre. Un souterrain du château. Un escalier en colimaçon vient des profondeurs du château. Par cet escalier apparaissent Mathilde et le duc qui remontent. Mathilde marche la première, elle porte des vêtements féminins. Elle tient à la main une coupe précieuse en cristal de roche. Un poignard est attaché à sa ceinture dans un fourreau. Mathilde et le duc ont les yeux hagards, le souffle précipité. Ils sont couverts de boue, de brins, de paille, de quelques plumes d'oiseaux. Leur visage ruisselle d'eau et de sueur. Le duc avance péniblement, brusquement vieilli. Il s'avance le long d'un couloir. Le duc tient un chandelier. Des lueurs tremblantes courent sur les murs, tandis que Mathilde et le duc, d'une voix un peu haletante, poursuivent une conversation énigmatique. « Quel poids avez-vous dit ? » ?»« L'âge du Christ, 33. »« Quelle veine ! » !»« Et plus douce qu'un furet. » »« Enfin, elle va traverser la rivière. » Oui, en sautant de caillou en caillou. Oh, comme elle va bien geler. Et son ange gardien, il est mort. Ils arrivent devant la petite porte d'un cachot. Le duc fait jouer les verrous, pousse la porte en disant à Mathilde, la voilà. Ils passent tous les deux par la petite porte et pénètrent à l'intérieur du cachot. Une petite fille d'environ 9 ans est assise sur le sol du cachot où la paille se mêle à la boue. Les vêtements de la petite sont en lambeaux, ses cheveux sales, mouillés. Elle porte des traces de coups. À côté d'elle, dans une assiette, des restes de nourriture, de grosses gouttes d'eau tombent des voûtes. La petite recule précipitamment jusqu'au mur, mais le duc s'approche d'elle en souriant. Il lui tapote la joue. N'aie pas peur. Ne pleure pas, ne crie pas. Oui, c'est un peu humide ici. Mais c'est fini maintenant, c'est fini. Mathilde se tient immobile auprès de la petite fille. Elle l'examine, elle lui touche le visage, lui regarde les dents. Le duc prend la petite fille dans ses bras et lui parle d'une voix douce et affectueuse. « Viens avec moi, sois sage, tu verras que je t'aime bien. » Il l'emporte vers le fond du cachot. Mathilde le suit. Dans la cour du château, attaché à un mur, un agneau bêle comme s'il appelait sa mère. Une porte s'ouvre et apparaît la gouvernante du duc, une femme haute et sévère, qui peut avoir une cinquantaine d'années. Elle regarde l'agneau et s'écrie « Tais-toi ! Qu'est-ce qui te prend ?» Elle rentre en refermant la porte. Nous sommes dans les cuisines du château, où la gouvernante est revenue, et où sont deux autres domestiques du duc, au travail. L'un est un serviteur de couleur, âgé, qui épluche mécaniquement des oignons, le dos courbé comme un esclave. L'autre est une très vieille servante, racornie, parcheminée, qui répond au nom de Thérèse. Elle surveille la cuisson d'une marmite. Et dans la salle à manger du château, un feu de bois pétille dans la haute cheminée. Le vieux domestique de couleur découpe des tranches de pain avec un couteau exagérément long et effilé. Il apporte le pain coupé sur la table de la salle à manger, somptueusement dressée. Mathilde, le duc et Donatien, le factotum, sont en train de manger de très bon appétit. Les trois convives sont visiblement échauffés par la boisson. Ils poursuivent une conversation incohérente. Le duc demande au factotum en riant assez bêtement « Que se passe-t-il avec les cigognes cette année ? Elles ne sont pas encore là. » « Pas encore, monsieur le duc. » Le duc pousse un profond soupir et dit « C'est une belle sécheresse qui se prépare. Ah, la pluie. C'est la pluie qui fait les grandes nations. » Il se tourne vers la gouvernante. « Donnez-moi le poivre. » La gouvernante lui fait passer le poivre. Le duc assaisonne le ragoût, goûte un petit morceau de viande. Il remarque « Elle est tendre et naïve. » Donatien, qui mange lui aussi, donne son impression. Très câline. Le duc demande à Mathilde, « Qu'en pensez-vous ? Un peu mythomane, mais beaucoup de caractère. » À ces mots, ils éclatent tous les trois d'un rire fou qui se calme peu à peu. Ils continuent à manger. Soudain, le duc, qui est ivre, prend un petit morceau de ragoût au bout de son couteau, le regarde un instant. Il rit. Il se retourne vers la vieille servante, il l'appelle. « Thérèse !» La vieille servante répond d'une voix craintive. « Oui, monsieur le duc. Approche. Viens. » La servante s'approche lentement de la table. Le duc, frappant sur ses genoux, dit à Thérèse « Assieds-toi là. » « Moi ? Oh non, monsieur le duc. Allons, je te dis de t'asseoir là. » Il la saisit à bras le corps, l'assied de force sur ses genoux, comme une enfant. Il lui tend le morceau de viande qui se trouve à la pointe de son couteau et lui dit en riant « Tiens, goûte-moi ça !» La servante paraît très confuse. Le duc semble prendre un malin plaisir à la troubler, à l'humilier. Il méprise ouvertement la dignité de sa vieille domestique. Celle-ci essaye de repousser le couteau que lui tend son maître et montrant sa bouche vide de dents qui ne peut pas mâcher, elle dit « Monsieur le duc, je ne peux pas. Allons, mange !» Thérèse se dégage, s'enfuit précipitamment hors de la pièce. Le duc, Donatien, Mathilde éclatent de rire en la voyant sortir. Le duc mange le morceau de viande et il dit aux deux autres « Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Je ne comprends pas. » Les trois convives se remettent À manger en silence, il règne autour de la table une gêne indéfinissable. Alors, dans la rue, c'est la fin de l'après-midi, Ambrosio, capuchon rabattu afin qu'on ne le reconnaisse pas, se hâte vers la maison d'Antonia. Il est seul cette fois. Arrivé devant la porte, il frappe. Flora, la servante, lui ouvre, il entre rapidement. Il gravit l'escalier intérieur de la maison d'Antonia, il écoute un son de lutte qui lui parvient de la chambre de la jeune fille. Arrivé sur le palier du premier étage, il voit la porte du salon entrouverte. Il risque un œil. Elvire, la mère d'Antonia, est endormie dans un fauteuil à œillères. Elle paraît aller beaucoup mieux. Sur ses genoux, un ouvrage de broderie qu'elle a abandonné. Ambrosio referme sans bruit la porte du salon. Un peu plus loin sur le palier, il pousse la porte de la chambre d'Antonia. Il pénètre alors dans la chambre de la jeune fille qui tourne le dos à la porte. Il reste un instant immobile, écoutant Antonia qui joue sur son luth une mélodie très simple. La jeune fille devine soudain une présence derrière elle, elle se retourne. Elle sursaute et se lève en apercevant Ambrosio. « Vous êtes là, mon père ?»« Oui, je vous écoutais, mais ne vous arrêtez pas, continuez. »« Devant vous, non, je n'ose pas. » Elle dépose le luth. « Vous avez vu ma mère ?» Elle dort. Antonia va rapidement vers lui, lui baise une main. Elle paraît heureuse et reconnaissante. Vos visites lui font tant de bien. Ambrosio saisit les deux mains de la jeune fille, il les garde dans les siennes, il la regarde fixement. « Comme vous aimez votre mère, quelle tendresse, quelle sensibilité, quel bonheur vous donnerez à celui qui vous méritera. » Antonia le regarde, elle ne comprend pas. Ambrosio la dirige vers un sofa dans la chambre. « Venez, mettez-vous près de moi. » Il la fait asseoir à côté de lui. Elle prend place sans aucune crainte, très attentive à ses paroles. Ambrosio lui parle à voix basse, calme. « Maintenant, oubliez ce que je suis. Ne voyez en moi qu'un ami et répondez-moi. N'avez-vous jamais aimé ? Si, j'aime ma mère, j'aime... Oui, mais un homme. Avez-vous aimé un homme ? Un homme ? Il occuperait toutes vos pensées. Il vous procurerait toutes vos joies, toutes vos peines. En son absence, tout vous paraîtrait triste et laid. Mais vous seriez heureuse de le retrouver chaque jour. Sa voix vous calmerait. Il aurait votre confiance. N'avez-vous jamais éprouvé tout cela ? Si, mon père. Ambrosio, surpris, inquiet, un léger mouvement. Comment ? Quand ? Antonia le regarde droit dans les yeux. « C'est ce que j'éprouve quand je vous vois. Moi. Oui, je suis heureuse quand vous venez visiter ma mère. J'aime vous entendre. Et quand vous partez, j'ai du chagrin. » Le supérieur, très agité, oublie toute prudence. Il se rapproche d'elle sur le sofa. « Est-ce possible ?» Du bout des doigts, il touche la joue d'Antonia juste au-dessous des yeux. Et d'une voix légèrement altérée, il lui dit « Est-ce possible que ses yeux me regardent vraiment, avec amour ?» Il fait descendre sa main le long du visage de la jeune fille. Que cette peau frémisse, il effleure de sa main le sein gauche d'Antonia. Que ce cœur batte un peu plus vite quand je suis là. Antonia s'écarte sans comprendre très clairement le danger qu'elle court, mais c'est toujours avec sincérité qu'elle répond « C'est vrai. Vous n'imaginez pas toute la joie que vous me donnez. N'ayez pas peur. » Il se penche vers elle qui ne bouge pas et rapidement, furtivement, il l'embrasse sur les lèvres. Antonia ne peut réprimer un mouvement de recul, elle s'écrie quand le moine la lâche « Mais qu'avez-vous fait ? Je vous ai justement montré ce que jamais Vous ne devez vous laisser faire sous aucun prétexte. Avec moi, tout est différent. Il y a des baisers purs et des baisers impurs qui brûlent l'âme, Antonia. Il est incapable de se contenir plus longtemps. Il saisit Antonia à la taille. Il veut l'embrasser à nouveau. Et cette fois, la jeune fille est véritablement alarmée. Elle se débat, elle veut se lever. Elle crie « Arrêtez, mon père, arrêtez, lâchez-moi !» Mais taisez-vous, taisez-vous! Il la saisit violemment, il la renverse brutalement. On entend soudain une porte s'ouvrir. Aussitôt, le moine lâche la jeune fille qui se lève, les joues en feu, très émue, les vêtements en grand désordre. Elvire apparaît dans la chambre de sa fille, pâle, grave. L'attitude d'Ambrosio, les regards éperdus de sa fille lui en disent long. Elle dissimule ses sentiments pour dire au moine « Vous étiez là ? Je ne vous ai pas entendu ?» Le moine fait de vains efforts pour dissimuler son agitation. « Vous vous reposiez, je n'ai pas voulu vous réveiller. » Elvire lui montre la porte qui donne sur le vestibule et lui dit « Venez. » Sans un regard pour Antonia, le supérieur passe dans le vestibule, Elvire le suit et ferme la porte derrière elle. Elvire, la porte fermée, change de ton. C'est d'une voix très froide qu'elle dit au moine « Je vous remercie de vos visites. Dorénavant, je n'aurai plus besoin de vous. Je viendrai de temps en temps pour prendre de vos nouvelles. » Elvire le coupe, très sèche cette fois. « Je vous ai dit de ne plus revenir. » Ambrosio s'incline et sort. Nous sommes dans la cellule d'Ambrosio le soir. Les mains d'Ambrosio saisissent un des vases qui se trouve sur le petit autel dans sa cellule. Il le lance à toute volée contre un mur, le vase se brise. Ambrosio est agité d'une violente colère et le rire de Mathilde retentit derrière lui. Mathilde est là, dans la cellule, assise. Maîtrisez-vous, la colère aussi est un péché. Ambrosio s'assied sur sa couchette, les poings crispés, violemment, hors de lui. Et sans la regarder, il lui dit « Partez ». Mathilde se lève, vient près de lui. « J'aurai le droit de me plaindre, mais rassurez-vous, je ne vous reproche rien. Si vous ne m'aimez plus, c'est ma faute, je n'ai pas su vous garder. Croyez-vous que je ne comprenne pas ? Vous ne pensez qu'à cette jeune fille. Vous avez envie d'Antonia ? Plus que tout au monde. Voulez-vous que je vous la donne ? Comment serait-ce possible ? Ne vous étonnez pas. Je veux vous la livrer. Elle sera docile. Vous ferez d'elle ce que vous voudrez. Je connais un moyen efficace, mais dangereux. J'hésite à l'utiliser, car il va vous épouvanter. Quel moyen ? Il est temps que vous me connaissiez un peu mieux. Ambrosio s'écarte d'elle un peu effrayé. J'ai appris à me rendre maîtresse de certaines forces obscures que les hommes condamnent par faiblesse ou par crainte. Pas de cette façon, taisez-vous. Vous aussi, vous avez peur. Une âme forte comme la vôtre. Partez. Que craignez-vous ? C'est moi qui prendrai tous les risques et vous n'aurez que le plaisir. En échange, je ne vous demande rien. Si vous désirez toujours Antonia, trouvez-vous dans la crypte à minuit. Non. Je suis sans doute un criminel, mais je garde encore la crainte de Dieu. Mathilde lui sourit et murmure. C'est dommage. Elle prend alors, sous ses vêtements de novice, un miroir à main, dont le manche, le cadre, sont ornés de signes cabalistiques. Et elle ajoute, « Ces préjugés vous privent d'un trésor. » Ambrosio regarde Mathilde. Celle-ci promène lentement sa main autour du miroir, en prononçant à mi-voix dans une langue inconnue quelques phrases d'invocation. « Que faites-vous ? Au moins, regardez, une dernière fois. Elle retourne lentement le miroir vers lui, elle le lui tend. Ambrosio se recule légèrement comme s'il avait peur, mais ses yeux se fixent sur le miroir magique. Il est bouleversé, brisé, il se sait vaincu. Une larme apparaît dans ses yeux. Ce qu'il voit dans le miroir, c'est Antonia, seule, dans sa chambre, qui change de vêtements avant de se glisser dans son lit. Son corps apparaît nu un instant. Ambrosio a accepté le rendez-vous de Mathilde et tenant à la main une lanterne sourde, il attend dans les caveaux du couvent près d'une statue de saint et martyr. Soudain, la statue pivote lentement sur elle-même, il recule, effrayé. Mais c'est Mathilde qui apparaît dans le passage secret. Elle tient dans une main la coupe en cristal de roche qu'elle avait déjà. On entend sonner les 12 coups de minuit à l'église du couvent. Mathilde a revêtu une robe sombre et magnifique, ornée de pierreries, de signes étranges. Son poignard est attaché à sa ceinture, ainsi qu'une baguette dorée. Elle porte un diadème étincelant dans les cheveux. « Je suis prête. Venez. » Elle passe la première, et à travers les monuments funéraires et les ossements épars sur le sol, elle conduit le moine plus loin dans les caveaux. Ils franchissent des portes, descendent le long d'escaliers humides. Ils parviennent enfin à un endroit où la crypte s'arrondit, s'élargit. Et tout autour, des dalles funéraires. Au centre, un billot de bois tout vermoulu. Pâle, hésitant, Ambrosio s'arrête à l'entrée de cette salle. Mathilde s'avance seule. Elle dépose sur le billot de bois sa boîte en argent et sa coupe en cristal. Saisissant sa baguette dorée, elle revient vers Ambrosio et trace autour de lui un cercle sur le sol. Quoi qu'il arrive, ne sortez pas de ce cercle. Quoi qu'il arrive. Ambrosio hoche la tête. Mathilde achève de tracer le cercle. Elle revient au centre de la crypte, trace sur le sol un autre cercle plus grand que le premier. Elle se place elle-même auprès du billot, à l'intérieur du cercle, et trace tout autour des signes cabalistiques. Quelques langues de feu surgissent brusquement, rampent sur le sol de la crypte, sans pénétrer à l'intérieur de ces cercles. Ambrosio n'ose pas bouger, il regarde de tous ses yeux. Mathilde saisit la coupe. Et elle répand le contenu à l'extérieur du cercle où elle se trouve en 4 parts égales, suivant la direction des 4 points cardinaux. Pendant cette opération, elle dit d'une voix plus altérée, « Voici le sang virginal. » Un violent coup de tonnerre éclate tout proche lorsque la coupe est vide. D'épais brouillards très sombres s'élèvent du sol au contact du sang répandu. Les murs de la crypte vacillent. Mathilde redresse la tête et s'écrie joyeuse, exaltée, « Il vient !» Ambrosio, frappé de terreur, entouré de flammes, s'agenouille. Il esquisse un signe de croix, mais la voix de Mathilde lui crie « Ne faites pas ça !»« Il est là !» Ambrosio regarde. Les tremblements ont cessé, le tonnerre s'est tu. Il voit alors apparaître l'ange déchu que Mathilde vient de convoquer pour lui. On entend siffler un vent d'orage. Le démon est entouré d'un halo de brume qui le rend flou, évanescent. Il se tient dans un coin de la crypte. Son attitude est assez humble, rassurante. C'est un très jeune homme, presque un adolescent. Son visage est un masque d'une grande beauté où seuls les yeux noirs et mélancoliques apparaissent vivants. De longs cheveux blancs encadrent son visage. Des bracelets de diamants entourent ses poignets, il n'a pas d'ailes. Mais il porte une longue cape rouge. À la main droite, il tient une branche de myrte en argent. Ambrosio le regarde avec étonnement et presque avec admiration. Mathilde pose une question dans la langue inconnue. Le démon fait une réponse très brève et négative, en secouant à peine la tête. Mathilde insiste. Du bout de sa baguette, elle désigne Ambrosio. Le démon tourne lentement son regard dans la direction du moine. Celui-ci ne peut soutenir ce regard. Il baisse les yeux. Mathilde, impérative, pose une nouvelle fois sa question. Elle ne parle pas en suppliant, au contraire, elle ordonne. Le démon paraît enfin se soumettre. Il s'approche lentement de Mathilde, s'incline docilement devant elle, il lui remet la branche de myrte en argent. Mathilde la ramène vivement à l'intérieur du cercle. L'apparition se dissout en un instant. Les nuages sombres retombent sur le sol, disparaissent. Les flammes qui couraient sur le sol et sur les murs s'éteignent. Le vent se calme. La crypte n'est éclairée que par la lanterne du moine. Il ne reste aucune trace de l'apparition. Maintenant, Ambrosio est debout. Il voit Mathilde à côté de lui, tenant à la main la boîte en argent, la coupe et la branche de myrte. Elle paraît à bout de force. D'une voix faible, fatiguée, elle dit « J'ai eu beaucoup de peine. C'est la dernière fois que je peux l'évoquer pour vous. » Il me l'a dit. Profitez de cette occasion. Si vous échouez, vous devrez l'appeler vous-même. Et vous savez le prix qu'il demande. Prenez cette branche de myrte, elle ouvrira toutes les portes. Ambrosio prend la branche de myrte, Mathilde le retient encore un instant. Prenez garde, le myrte ne peut vous servir qu'une fois. Il arrive devant la porte de la maison d'Antonia, il jette un regard craintif autour de lui, personne. Il prend alors la branche de myrte qu'il tenait cachée sous sa robe et il en effleure la porte. Le verrou de la porte glisse de lui-même, la porte pivote, s'ouvre. Le moine pénètre rapidement dans la maison. Tout est calme, obscur, silencieux. Ambrosio, qui tient sa branche de myrte à la main, monte le long des escaliers, parvient dans le vestibule. La servante Flora est profondément endormie dans un fauteuil. Ambrosio s'approche d'elle, la secoue légèrement pour éprouver son sommeil. Elle ne se réveille pas. Ambrosio se dirige vers la chambre d'Antonia. Une nouvelle fois, il effleure la porte de la branche de myrte. La porte s'ouvre. Sans bruit, Ambrosio se faufile à l'intérieur de la chambre de la jeune fille. La porte se referme derrière lui. Antonia est paisiblement endormie. Elle a légèrement rejeté les couvertures de son lit, laissant apparaître ses épaules et l'un de ses bras. Ses cheveux sont défaits. Ambrosio s'avance en retenant son souffle, évitant de faire le moindre bruit. Il passe la branche de myrte au-dessus du visage de la jeune fille et la dépose sur l'oreiller à côté d'Antonia. Puis il appuie sa main sur l'épaule de la jeune fille qui ne se réveille pas. Rassuré, le moine s'assied sur le bord du lit, il la contemple un instant, endormi. Il se penche sur elle. Il murmure « Antonia ! » La jeune fille continue à dormir, plongée dans un sommeil léthargique. Le moine l'embrasse longuement sur les lèvres, sans qu'elle bouge. Dans la chambre d'Elvire, la mère d'Antonia, elle aussi est endormie dans son lit. Au-dessus d'elle, dans une petite niche, se trouve une statue de la Vierge en robe blanche et bleue. Cette statue s'illumine et paraît vaciller, osciller. La lueur se répand sur le visage d'Elvire. À côté du lit, dans la pénombre, se tient, maintenant indécise, à peine visible, une forme blanche et bleue. Cette forme imprécise tend ses deux mains et les dépose doucement sur le front d'Elvire endormie. Un miracle est en train de s'accomplir. Réveillée, Elvire se dresse en sursaut, se lève. À côté du lit, la forme claire a disparu. Tout semble normal. La statue est en place. Elvire quitte précipitamment sa chambre. Tandis que dans la chambre d'Antonia, Ambrosio a écarté les couvertures, il commence à ôter les vêtements de la jeune fille. Il paraît possédé d'une sorte de frénésie, tandis que la jeune fille reste inanimée, les yeux fermés, les bras ballants, sans défense. Et soudain, la porte de la chambre s'ouvre et la voix d'Elvire s'écrie « Vous, vous, ici !» Ambrosio se retourne vivement, aperçoit Elvire, celle-ci, de son côté, voit sa fille, étrangement endormie, la branche de myrte posée sur l'oreiller. Ambrosio lâche Antonia qui retombe dans le lit. Il veut se précipiter vers la porte, s'enfuir, mais Elvire referme la porte derrière elle et s'écrie « N'essayez pas de vous enfuir. Flora, Flora !» Pour l'écarter de la porte, Ambrosio la saisit violemment aux épaules. Elvire se défend avec acharnement. Elle s'accroche au moine pour l'empêcher de fuir. Elle le retient par ses vêtements. Ambrosio la renverse sur le sol où elle continue à se débattre et à appeler « Flora, Flora !» Désespérant de la faire taire, le moine saisit un coussin du fauteuil, l'applique brutalement sur le visage d'Elvire. Il appuie de toutes ses forces. La voix d'Elvire s'étrangle. Son corps est agité de quelques soubresauts, puis il s'immobilise. Le moine retire l'oreiller. Elvire est morte. Ambrosio se relève, hagard, ne sachant que faire. Il revient vers le lit où Antonia est toujours endormie. Il tend la main vers la branche de myrte. Mais l'objet magique disparaît brusquement, ne laissant aucune trace sur l'oreiller. Ambrosio se relève, il écoute, il entend les pas de Flora qui s'est réveillée. Il hésite un court instant et il saute par la fenêtre. Dans sa cellule, Ambrosio est pâle, fatigué, égaré. Il marche de long en large dans sa cellule, très agité. Soudain, il entend frapper à la porte de sa cellule. Aussitôt, il s'agenouille devant le crucifix dans l'attitude de la plus grande piété. Entré, un frère laid pénètre dans la cellule. Ambrosio lui demande « Alors, mon père, je me suis renseigné. En effet, cette femme est morte la nuit dernière. Elle laisse une fille seule et sans ressources. De quoi est-elle morte ? Les médecins ont parlé d'une congestion. Merci. Laissez-moi maintenant. » Le frère laid s'incline, se retire, referme la porte. Resté seul, Ambrosio respire un peu soulagé. L'église du couvent, l'église est pleine, comme lors du premier sermon que nous avons entendu. Ambrosio parle et tous les fidèles l'écoutent avec une grande attention. Il parle avec une grande animation, les yeux enflammés, la voix vibrante. Car Dieu est un amant jaloux. Il veut être seul dans une âme. Ainsi, l'amour divin emporte avec soi un dépouillement et une solitude effroyable. Dieu veut qu'on ravage, qu'on anéantisse tout ce qui n'est pas lui. C'est un amour qui fait mourir. L'âme est poussée et tirée à Dieu avec une force infinie, et c'est ce qui le frappe à mort. Brusquement, au milieu du sermon, un immense vautour, dont les ailes ont plusieurs mètres d'envergure, apparaît sous les voûtes de l'église et commence à voler en rond dans la nef. Ambrosio aperçoit le vautour Sa voix marque une hésitation, mais il poursuit son serment tout en suivant des yeux l'oiseau de proie. « Que faites-vous, ô Jésus-Christ, Dieu anéanti ? À quoi servent vos clous, vos épines et votre croix ? À quoi votre mort et votre sépulture ? N'est-ce pas pour détruire, pour crucifier, pour ensevelir avec vous toutes choses ?» Les fidèles ont remarqué le trouble du prédicateur, ils lèvent aussi la tête, ils ne voient rien. À leurs yeux, les voûtes de l'église sont vides. Brusquement, Ambrosio s'arrête, il voit le vautour qui fonce sur lui du haut de la nef. Il pousse un cri et s'abat, la tête dans ses bras, sur le rebord de la chair. Le vautour passe tout près de lui, disparaît. Les fidèles se signent, mais ils ne peuvent comprendre ce qui se passe. Plus tard, maintenant, l'église est vide, sombre. Seule brûle une petite lampe près de l'autel. Deux ombres s'avancent lentement dans une allée latérale, se dirigent vers un confessionnal. On reconnaît Ambrosio qui marche, la tête baissée, et le vieux père Pablos. Pablos s'installe près de lui, agenouillé. Ambrosio achève le confiteor. Il ajoute après un court silence « Pardonnez-moi, car j'ai péché. » Ensuite, il reste silencieux comme s'il hésitait à avouer. « Je vous écoute. Quelques pensées dangereuses vous aura surpris. Un doute, un désir. Non, j'ai très gravement péché. Vous ? Eh bien, mon fils, parlez. Je suis coupable de fornication, de sorcellerie et d'homicide. » Pablo reste un instant hébété, croyant avoir mal compris. Il se penche vers Ambrosio, murmure quelques mots. « Que dites-vous, vous êtes ?» Répétez. « Fornication, sorcellerie et homicide. » Le père Pablo regarde autour de lui dans le confessionnal. Il paraît avoir de la peine à respirer. Et il ne cesse de répéter, vous. Oui, moi. Soudain, Pablo ne peut plus rester là. Il se lève, en portant une main à sa poitrine, et il dit d'une voix altérée, laissez-moi. Il sort du confessionnal, fait quelques pas dans l'église. Tout à coup, il tombe, la face contre terre. Et reste immobile. Ambrosio se relève à son tour, s'approche du corps inanimé du vieux père Pablo. Il se penche sur lui, le retourne. Pablo a les yeux ouverts, mais il est mort. Ambrosio recule dans l'allée centrale de la nef, jetant des regards angoissés tout autour de lui. L'église est déserte, silencieuse. Le corps du vieux moine est tendu sur les dalles. Ambrosio s'en va. En courant, il traverse l'église et, ouvrant la lourde porte qui donne sur la rue, il sort et s'éloigne dans la nuit. Une haute montagne, sèche, déchiquetée, semée de quelques touffes de genêts et de bosquets de chênes verts tordus par le vent. Sur cette image, un sous-titre... Cependant, le supérieur, animé d'un repentir sincère, s'était retiré dans la montagne. Il s'y livrait aux plus sévères pénitences. L'entrée d'une caverne s'ouvre à flanc de montagne en un lieu désolé. Ambrosio sort de cette caverne. Il est là depuis plusieurs mois. Sa barbe, ses cheveux ont poussé. Son visage est émacié, fatigué. Il a les épaules, le torse nu, et l'on voit sur sa peau des traces nombreuses de meurtrissures. À côté de l'entrée de la caverne se trouve un tas de buissons épineux. Ambrosio en prend deux poignées, les répand sur le sol. Après quoi, il se laisse tomber sur les épines qui s'enfoncent dans son corps. Il se roule plusieurs fois sur le sol, Son visage est crispé par la douleur. Il s'arrête, s'agenouille un instant, restant en prière, les yeux levés au ciel. Puis il se redresse. Il saisit une cruche de terre posée devant l'entrée de la caverne et commence à descendre. Une source jaillit dans les rochers près d'un sentier. Ambrosio pose sa cruche sous le filet d'eau et soudain son attention est attirée par quelque chose au-dessous de lui. Une forme humaine s'avance difficilement le long du sentier. La silhouette est celle d'une femme qui marche lentement, la tête baissée, revêtue d'un morceau de toile grossière et sale. On ne peut pas distinguer les traits de son visage. La poussière des chemins a blanchi ses cheveux. Au pied, elle porte des sandales de corde. Elle tient à la main une petite croix qu'elle semble regarder sans cesse dans l'attitude de Madeleine pénitente. Elle paraît épuisée. Le moine détourne son attention de la nouvelle venue. Il ne veut pas la voir. Cependant, parvenue à peu de distance de lui, la femme soudain chancelle et tombe sur les genoux comme si elle était à bout de force. Ambrosio descend rapidement vers elle, mais alors qu'il va pour l'aider à se relever, la femme tourne son visage vers lui. Il la reconnaît. Il s'écarte vivement. Mathilde. Mathilde, dont le visage est fatigué, sans apprêt, et qui paraît sincèrement repentante, dit au moine d'une voix brisée, émue. C'est vous ? Voyant qu'il fait un pas en arrière, comme pour fuir, elle continue. Non, n'ayez pas peur de moi, j'avais perdu le ciel par mes péchés. Mais votre exemple m'a éclairé. J'ai su ce que je devais faire, hélas. Dieu ne m'a pas encore pardonné. Ambrosio la regarde fixement, sans dire mot. Soudain, il fait demi-tour et s'en va, le long du sentier, vers la source. Écoutez-moi, j'ai pris le chemin de Rome. Je veux proclamer mes crimes sur la place Saint-Pierre. C'est Dieu qui m'a guidé vers vous, pour que je reçoive votre bénédiction. Indécis, méfiant, Ambrosio s'arrête un instant. Mathilde s'agenouille devant lui. « Bénissez-moi. Je vous ai fait beaucoup de mal. Pardonnez-moi. Bénissez-moi. » Ambrosio, brusquement, se détourne. Il s'enfuit à travers les rochers. Il se hâte vers la caverne. Agenouillé au milieu du sentier, Mathilde le regarde partir. Ambrosio ne peut plus la voir et pourtant le visage de Mathilde reste fatigué, douloureux, tandis qu'elle suit des yeux le moine qui fuit. Ambrosio parvient devant son abri, il est très agité, il entre, et à l'intérieur de la caverne, une couche d'herbe sèche sur le sol et une croix de bois que le moine a fabriquée lui-même, rien d'autre. Ambrosio fait quelques pas de long en large, puis il s'abat sur la couche d'herbe sèche, reste immobile, et c'est la nuit maintenant. Le clair de lune éclaire les montagnes grises. On entend dans la solitude une cloche qui commence à sonner les 12 coups de minuit. Ambrosio est toujours étendu au même endroit, il ne dort pas. Ses mains froissent les herbes de sa couche, il entend les cloches. Une silhouette apparaît à l'entrée de la caverne, se détachant sur les montagnes lointaines et sur le ciel. C'est la silhouette de Mathilde, nue. On entend la voix basse d'Ambrosio qui demande « Qui est là ?» Mathilde s'avance lentement à l'intérieur de la caverne. Elle répond « Le désir au teint pâle frappe du même pied aux chaumières des pauvres et au palais des rois. » Ambrosio demande à deux reprises « Antonia, Antonia. » Mathilde fait un pas, encore un pas. Son corps disparaît totalement dans l'ombre, tandis qu'elle dit pas encore. Mais c'est la montagne. Du fond de l'horizon, un immense vautour s'approche à tire-d'aile. Il grossit très vite. Puis il s'abat brusquement sur la caverne. Il en cache l'entrée. Et un sous-titre indique « Ainsi le moine retomba dans la lubricité ». Le soleil se lève, éclairant le sommet des montagnes. Le sous-titre poursuit. Renonçant à sa pénitence, il résolut de suivre Mathilde jusqu'au château de Talamour. Mathilde du doigt montre le château à Ambrosio. En ville, la maison d'Antonia. Une voiture s'arrête brusquement dans la maison d'Antonia dans la ville. Deux hommes en descendent, l'un est Donatien, le factotum du duc, l'autre un gaillard aux allures de spadassin. Ils sont armés tous les deux. Après un coup d'œil à la façade de la maison, ils entrent rapidement. Les deux hommes gravissent l'escalier en direction du premier étage. Antonia, attirée par le bruit, sort de sa chambre, tenant à la main une pièce de tissu qu'elle était en train de coudre. Les deux hommes s'inclinent. Donatien lui demande « Antonia ?»« Oui, c'est moi. » « Nous venons de la part d'un grand seigneur, le duc de Talamour. Il s'intéresse à vous depuis la mort de votre mère. Il vous offre une place de demoiselle de compagnie dans son château. »« Remerciez, monsieur le duc, et dites-lui que je ne peux pas accepter. Je vais rentrer au noviciat des Carmélites. » Le spadassin commence insensiblement à tourner autour de la jeune fille. Donatien. Monsieur le duc a vivement insisté. Antonia, je suis désolée, mais c'est impossible. Excusez-moi auprès de... Elle ne peut pas continuer. Le spadassin lui a violemment appliqué l'une de ses mains sur la bouche. Les deux hommes la maîtrisent en un instant. Dehors, la main de Donatien ouvre la portière de la voiture. Le spadassin apparaît portant le corps d'Antonia ficelé, bâillonné. Il le jette dans la voiture qui s'en va immédiatement. Dans la cour du château, un coq vivant est enterré dans le sol de la cour fraîchement remué. Seule sa tête et son cou apparaissent, dépassent, et à peu de distance du coq, le duc bande les yeux d'une petite fille de 11 ans que nous n'avons pas encore vue. Auprès du duc se tient Ambrosio, rasé, propre. Il a changé sa robe de grosse toile contre une autre robe semblable à celle qu'il portait avant sa fuite du couvent. Le duc, très aimable, lui dit « Ici, vous verrez, ce ne sont pas les distractions qui manquent, vous ne vous embêterez pas. Et même, je vous réserve une petite surprise, Ambrosio. » Une surprise. Patience, patience, dit le duc. Ce soir, qui sait? La petite fille est prête. Le duc saisit un gros bâton, le lui donne, puis il la conduit vers le coq. Tiens, donne-moi la main, viens, là. Tu y es. Touche-le. La petite fille se baisse, touche le coq enterré. Le duc lui fait faire alors 5 pas reculons. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Il s'écarte. Tu peux y aller. La petite fille aux yeux bandés fait alors 4 pas en avant, en hésitant. Et quand elle croit être tout près du coq, elle abat violemment son bâton. Le bâton tombe à quelques centimètres de la tête du coq. « C'est pas mal du tout. Tu y arriveras vite, » dit le duc. Ambrosio sourit, s'éloigne, non loin de là. Il rencontre Mathilde en train de ramasser des fleurs. « Mathilde, vous aimez ces fleurs ?»« Oui. Comment se nomment-elles ?»« Ce sont des asphodèles. Elles poussent très bien ici. On dit que chaque fleur renferment l'âme d'un mort. Quelquefois, on les entend se plaindre. Elle choisit une fleur au milieu du bouquet, l'approche du visage d'Ambrosio. Tenez, vous entendez ? Non. Mathilde ramène la fleur vers son oreille et on entend, faible, pathétique, un très lointain gémissement. Mathilde écoute et dit d'une voix basse, bouleversée, « Moi, je l'entends. » Elle replace la fleur dans le bouquet. C'était un homme. Tous deux continuent en silence leur promenade, côte à côte. Dans le château, la salle à manger, c'est le soir. Mathilde et le duc sont assis devant une table très richement servie. Le duc goûte un verre de vin. Ambrosio pénètre dans la salle à manger. Le duc l'invite. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ambrosio prend place en admirant les victuailles répandues sur la table. Le duc dit avec un vague geste de bénédiction sur un ton moqueur, « In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sanctus, gloire à la justice divine qui vous offre ce succulent repas pour vous réconcilier avec la vie. Cela va me changer des racines et des glands. » Et Mathilde conclut, « Amen. » La vieille servante et la petite fille que nous avons vue jouer avec le coq s'affairent autour de la table. La servante remplit les verres des trois convives et la petite fille porte sur un plateau diverses épices, cumin, cannelle, d'autres encore. Le duc lève son verre de vin. « À votre santé, mes amis !» Ils boivent tous les trois. Le duc, en reposant son verre, aperçoit la fillette. Il lui dit, « Donne-moi du vin. » La fillette commence à le servir. « Quel âge as-tu ? » ?»« 11 ans, monsieur le duc. » Le duc s'écrie comme saisi, tout à coup d'une violente colère. « 11 ans !» Il regarde la petite fille comme si soudain il la détestait. Il prend à témoin Mathilde et Ambrosio. « Mais c'est fou comme les femmes vieillissent vite. À 11 ans, elles sont déjà des rombières. » Il revient à la petite fille qui finit de lui remplir son verre. Il saisit ce verre et par pur caprice. Il en jette le contenu sur le visage de la petite. Celle-ci pousse un cri, éclate en sanglots. Le duc regarde la robe de la fillette, toute maculée de taches de vin, et lui dit d'un ton sévère, « Mais tu n'as pas honte, regarde ta belle robe. » Il la repousse vers la vieille servante. « Allez, emmène-la. » La vieille servante saisit la petite fille qui pleure, l'entraîne. Le repas reprend son cours normal. Ambrosio dit à l'adresse du duc, en faisant allusion à ce qui vient de se passer, « Vous parliez, justement, de l'injustice éternelle. » Le duc pointe un doigt vers le ciel. « C'est avec des moyens plus modestes que j'essaye de l'imiter. » Il mange. Donatien pénètre alors dans la salle à manger, vient dire quelques mots à l'oreille du duc. Ambrosio saisit une côtelette par la manche, commence à la dévorer, et le duc paraît satisfait par les nouvelles que lui apporte Donatien. Et en souriant, il dit au moine, « Eh bien, mon cher ami, ça y est, elle est là. » Ambrosio s'arrête de manger, interdit. « Comment ? Je vous l'avais promise pour aujourd'hui. » Faisant un geste vers les étages supérieurs, elle vous attend. « Depuis quand ? Elle vient d'arriver. Où est-elle ? Donatien va vous conduire. » Ambrosio regarde un court instant Mathilde, le duc, puis il repose sa côtelette, se lève. « Excusez-moi. » Il s'en va, en compagnie de Donatien qui le précède. Le duc regarde sortir le moine et lui demande « Vous ne finissez pas votre repas ?» Ambrosio ne répond rien, il est déjà sorti. Le duc, avec un petit geste fataliste, se remet à manger. On reste un instant sur Mathilde et le duc, qui mangent en silence, les yeux baissés. Antonia est seule, dans une petite chambre, située tout en haut du donjon. Elle regarde autour d'elle, elle est craintive, et soudain une petite porte s'ouvre, sans bruit, et Ambrosio pénètre dans la chambre. Il s'approche d'Antonia, et celle-ci, le reconnaissant, accourt vers lui avec un mélange d'étonnement, de joie. Elle s'écrie « Vous, mon père, Dieu soit loué, mais où sommes-nous? Que s'est-il passé ?» Ambrosio la saisit aux épaules tendrement. « Calmez-vous, Antonia, mon Antonia. Emmenez-moi, mon père, partons. Je vous en prie, j'ai peur, partons. » Impossible. Antonia s'écarte de lui, elle le regarde fixement et elle demande « Que dites-vous ?» Ambrosio reprend en avançant vers elle, les yeux brillants, menaçants, déterminés. « Vous ne sortirez plus de ce château, jamais, et moi non plus. Nous nous aimerons longtemps, nous serons les amants les plus heureux du monde. » Il la saisit fermement dans ses bras, il l'entraîne avec lui sur le lit, la forçant à s'asseoir près de lui, tandis qu'elle se débat, qu'elle crie, éperdue. « Lâchez-moi, au secours, non !» Et tout en luttant farouchement avec elle, en la dominant peu à peu, il lui dit d'une voix basse, haletante, « Vous n'avez aucun secours à espérer. Je vous aime. Partagez plutôt mon bonheur. Il y a longtemps, si longtemps que j'attends ce soir. Embrassez-moi. Non, lâchez-moi. Non, ne criez pas. Ne luttez pas, c'est inutile. » Il la renverse enfin sur le lit, la tient fermement aux épaules. Il se penche sur elle pour l'embrasser. Mais à l'instant précis où il va poser ses lèvres sur celles de la jeune fille, le moine s'écarte d'elle, se redresse. Ce n'est plus Antonia qu'il tient entre ses bras. C'est le cadavre d'Elvire dans les vêtements de nuit qu'elle portait au moment de sa mort. Saisi d'horreur, Ambrosio veut se jeter hors du lit, mais le cadavre d'Elvire ouvre les yeux, sourit amoureusement, passe ses mains pâles autour du cou du moine en lui disant d'une voix douce, engageante, sans qu'on voie bouger ses lèvres. « Ambrosio, mon amour, tu ne me reconnais pas. Je suis Elvire, la mère d'Antonia. » Ambrosio parvient à grand-peine à se dégager, il saute au milieu de la chambre. Égaré, il voit Elvire toute blanche qui se dresse au bas du lit, qui vient vers lui, les deux bras tendus en lui disant « Ne t'en va pas, ne me quitte pas, viens. » Ambrosio saisit alors une dague qui fait partie d'une panoplie accrochée à un des murs. Il la plonge dans la poitrine d'Elvire. Celle-ci tombe à terre en gémissement, reste immobile. Ambrosio s'acharne sur elle. Il la frappe plusieurs fois. Soudain, laissant la dague dans la plaie, il se redresse, il regarde. Mais cette fois, ce n'est plus Elvire qui est étendue à ses pieds. C'est Antonia, morte, le sein percé de la dague, sanglante. Le moine hagard, debout près du corps de la jeune fille, il la reconnaît. Il reste immobile, le regard fixe, anéanti. Un imposant cortège s'approche silencieusement en pleine nuit de la poterne du château de Talamour. En tête du cortège s'avancent trois personnes ecclésiastiques. Celui du milieu est le grand inquisiteur que nous avons vu. Derrière, les trois religieux, un groupe d'archers. Sur un geste de l'inquisiteur, les soldats se disposent rapidement et sans bruit autour du château. L'inquisiteur fait un signe à un homme d'armes. Celui-ci, avec la manche de sa hallebarde, frappe 3 coups à la porte du château. Une grandiose musique symphonique s'élève alors, produite par un orchestre d'une 100aine de musiciens, avec cordes, cuivres, instruments, avant. On entend une brève introduction musicale, et le grand inquisiteur chante d'une voix profonde « Ouvrez, ouvrez » à la Sainte Inquisition. Aussitôt, la lourde porte du château commence à s'ouvrir, la musique s'arrête tout aussi brusquement qu'elle avait commencé, et les 3 inquisiteurs se disposent à franchir le pont-levis. Dans la salle à manger du château, le duc de Talamour et Mathilde sortent précipitamment de la salle à manger. Ils vont vers la cour. Et dans la chambre du donjon, Ambrosio, qui était prostré auprès du corps d'Antonia morte, a entendu aussitôt l'arrivée de l'Inquisition. Et il va rapidement à la petite fenêtre de la chambre et il regarde. Il voit dans la cour le duc de Talamour et Mathilde qui vont rapidement à la rencontre des 3 dignitaires ecclésiastiques qui viennent de faire leur apparition. Le duc s'incline devant le grand inquisiteur et lui demande « Mais qui donc cherchez-vous ?»« Nous cherchons un infâme criminel qui nous a été dénoncé que vous abritez dans ce château. »« Ici ?»« Mais, monseigneur, l'inquisiteur le coupe sèchement. » Et du même coup, monsieur le duc, nous vous arrêtons, ainsi que cette femme. Vous êtes accusé d'enlèvement, d'assassinat d'enfants à des fins diaboliques. Qu'est-ce que vous dites, dit le duc. Et les archers se saisissent sans ménagement de Mathilde, du duc. Et soudain, l'un des assistants tend le bras en disant « Là-bas !» Il montre une ombre qui se faufile, cherchant à se dissimuler. L'inquisiteur donne un ordre aux archers. Saisissez-le. Les archers se précipitent, s'emparent d'Ambrosio. Ils le maîtrisent, ils le conduisent devant leur maître. L'inquisiteur regarde Ambrosio un instant, en silence, et il lui dit « Vous voici donc enfin. » Vous êtes arrêté au nom de la très sainte Inquisition. On emmène les 3 prévenus. Dans les bâtiments de l'Inquisition, le grand inquisiteur s'avance lentement dans un couloir. Un petit cortège l'accompagne. Un secrétaire greffier qui porte tout ce qu'il faut pour écrire. 2 bourreaux chargés de divers instruments de torture très simples, cordes, coins, maillets. 1 geôlier tenant un trousseau de clés. Le duc de Talamour marche immédiatement derrière l'inquisiteur. Il a les mains libres et toutes les apparences de l'innocence reconnues. Le petit groupe s'arrête devant une lourde porte. Le geôlier ouvre. Le duc de Talamour s'efface devant le grand inquisiteur qui entre le premier, suivi du duc, du secrétaire, des 2 bourreaux. Le geôlier reste à l'extérieur. Et c'est une grande salle à laquelle on accède en descendant plusieurs marches. Dans un coin gît Ambrosio, ses chevilles sont retenues par de lourdes chaînes. L'inquisiteur le désigne et demande au duc « Vous le reconnaissez, monsieur le duc ?»« Oui, bien sûr. » Le duc s'approche d'Ambrosio, le regarde de haut, très haut, très froid. Il lui dit « Ainsi, vous avez abusé de mon hospitalité. » Ambrosio lève vers lui des yeux pleins de surprise. Et le duc continue, tranquille. « Je ne me doutais pas que j'ouvrais ma porte à un assassin sacrilège. Pour moi, mon innocence a été vite reconnue. » Et il ajoute, d'un ton très assuré, très sévère, « Je vous le disais bien, il y a tout de même une justice. L'inquisiteur intervient alors et il s'adresse au duc avec déférence. Je vous remercie vivement, monsieur le duc, et je vous renouvelle mes excuses. Le duc s'incline avec un léger sourire, comme si tout cela n'était rien. Il sort. L'inquisiteur s'approche alors d'Ambrosio. Il le regarde un instant avec des yeux pleins de bonté. Et il lui dit « Mon doux enfant, remerciez le ciel qui vous a conduit dans cette prison et dites-moi les fautes que vous avez commises ainsi que les noms de tous vos complices. » Ambrosio détourne son regard. L'inquisiteur poursuit, étonné, un peu peiné. « Vous ne répondez pas. » Devant le mutisme du moine, l'inquisiteur fait un signe à son secrétaire. Celui-ci va ouvrir une autre porte, il fait entrer Mathilde. Elle a les cheveux défaits, des traces de coups sur le visage. Elle a les mains liées, les chevilles entravées. Elle porte le vêtement et le capuchon brodés de flammes de ceux qui sont condamnés au bûcher. Un gardien qui la soutient, l'aide à marcher, la pousse à l'intérieur du cachot. Ambrosio la regarde avec une très vive crainte, mais il ne desserra pas les dents de toute la semaine. L'inquisiteur, voyez, cette infernale créature. Par nos soins, elle a tout avoué. Ambrosio regarde Mathilde avec colère, et Mathilde lui fait un signe de connivence imperceptible pour lui dire que rien n'est perdu. L'inquisiteur continue. « À quoi bon persister à vous taire, mon enfant, alors que nous savons déjà tout? Voulez-vous une preuve? Regardez. » L'inquisiteur prend des mains de son secrétaire le miroir magique au moyen duquel, naguère, Mathilde faisait admirer aux moines les charmes de la jeune Antonia. L'inquisiteur pose le miroir sur le sol entre le moine et lui. Délicatement, prudemment, il saisit alors son rosaire et dépose sur la surface polie du miroir la petite croix qui le termine. Au contact de la croix, le miroir explose, vole en éclats. L'inquisiteur relève la tête et il dit au moine « Cette femme est une sorcière abominable, et vous avez eu commerce avec elle. C'est de votre bouche que j'aimerais entendre la vérité. » Vous vous obstinez à ne pas répondre. C'est bien. Il fait un signe au gardien. Celui-ci emmène Mathilde hors du cachot. Une lourde porte se referme sur elle. Et alors un des bourreaux approche un tabouret et l'inquisiteur s'assied tout près d'Ambrosio et lui parle d'une voix charitable. « Mon cher enfant, ne vous effrayez pas de ce que je vais vous dire. » Se tournant vers les bourreaux, « Vous voyez ces deux planches ? L'un des deux bourreaux montre deux solides planchettes en chêne. On va les placer autour de vos jambes et on les serrera avec une corde. Le second bourreau montre une corde longue et mince, puis il fixe rapidement les deux planchettes autour des jambes du premier bourreau, faisant semblant de les attacher. Ensuite, on introduira entre vos jambes ces coins que vous voyez. Le bourreau qui opère montre trois coins de bois de différentes tailles. Et on les enfoncera avec ce maillet. Le bourreau saisit un lourd maillet de bois, le présente. Tout se passe comme s'il s'agissait d'une démonstration. L'un des bourreaux joue le rôle du patient, l'autre celui du tortionnaire. Ils sont sérieux, méthodiques. Ambrosio ne quitte pas des yeux les deux bourreaux, cependant que le secrétaire attend une plume à la main, et que l'inquisiteur poursuit de sa voix très aimable. « Tout d'abord, vos pieds enfleront. On vous mettra alors ce second coin, Le bourreau montre le second coin, le met en place entre les genoux de l'autre bourreau. Le second coin est légèrement plus gros que le premier. À ce moment-là, le sang jaillira de vos orteils et tous les ongles de vos pieds tomberont d'un coup. Ensuite, la plante de vos pieds s'ouvrira et vous en verrez sortir une graisse mêlée de chairs écrasées. Un court silence. Malgré lui, Ambrosio regarde ses pieds enchaînés. Cela vous fera souffrir, mais peut-être vous n'irez rien encore. Je vois que vous êtes courageux. Et d'ailleurs, il ne s'agit que de la question ordinaire. L'inquisiteur réfléchit un moment, laissant Ambrosio imaginer les douleurs qui l'attendent. Puis il dit « Cependant, vous perdrez connaissance. Voici des flacons de sel avec lesquels on vous ranimera. » Le bourreau qui opère montre deux petits flacons de sel. « Lorsque vous aurez retrouvé vos esprits, on ajoutera le troisième coin, qui est sensiblement plus gros que les autres. » Le bourreau saisit le troisième coin et le présente. Ambrosio est terriblement mal à l'aise. Le bourreau dispose du troisième coin entre les genoux de son collègue et l'inquisiteur continue. Au premier coup de maillet, vos genoux et vos chevilles se briseront. Au second coup, vos jambes se fendront sur toute la longueur. Les os éclateront avec bruit, la moelle jaillira et se répandra sur cette paille. L'inquisiteur montre le sol entre les genoux d'Ambrosio. Celui-ci prend sa tête entre ses mains, serre les dents, ne parle toujours pas. L'inquisiteur se lève et dit, comme s'il était sincèrement désolé, « Je vous laisse réfléchir, mon fils. » Nous reviendrons ce soir et nous ferons ce que je vous ai dit. Au moment de sortir du cachot, comme s'il avait oublié quelque chose, il se retourne vers Ambrosio et lui dit avec un petit geste d'excuse, « De toute manière, même si vous parlez, nous serons dans l'obligation de vous questionner pour savoir si vos aveux sont vraiment sincères. Ensuite, vous serez livrés aux flammes sur la place publique. » Et cette fois, l'inquisiteur se retire, sortant le premier, suivi du secrétaire et des deux bourreaux qui emportent leur matériel. Et le geôlier qui attendait dehors referme la porte. Ambrosio reste seul, dans l'ombre, désespéré. Dans le couloir, le geôlier d'Ambrosio allume une torche qu'il accroche au mur près de la porte d'entrée du cachot. Il fait déjà nuit. Le geôlier s'assied sur un tabouret près de la porte. Soudain, il s'endort. Mathilde apparaît, libre, marchant lentement dans le couloir. Elle est revêtue de la robe superbe, étrangement brodée, qu'elle portait dans la crypte du couvent lors de la cérémonie d'invocation. À la main, elle tient une branche de myrte au charme de laquelle le geôlier vient de succomber. Sur sa tête, elle porte un diadème de pierreries. Elle est très belle. Elle passe devant le geôlier sans le regarder, s'arrête devant la porte du cachot. Elle effleure la lourde porte avec sa branche de myrte. Dans le cachot de l'Inquisition, Ambrosio, qui était accroupi sur le sol, voit le verrou qui se tire lentement de lui-même. La porte pivote silencieusement, Mathilde apparaît. Elle s'avance dans le cachot, descend dans les quelques marches. La porte se referme derrière elle. Une lumière mystérieuse l'entoure. Ambrosio, voyant Mathilde libre, resplendissante, se redresse plein d'espoir, d'étonnement. « Que se passe-t-il? Où sont vos chaînes ?»« Je suis libre. Dans quelques instants, je serai loin d'ici. » Aucune prison ne peut me retenir. Et moi, voici le moment de vous sauver. Voulez-vous échapper à la torture et à la mort? Sortir d'ici? Oui, Pouvez-vous l'obtenir pour moi ? Non, ce n'est plus possible. Je vous l'avais dit. Cette fois, les anges superbes exigent votre âme. Ambrosio baisse la tête et dit, après un léger silence à voix basse, « Je ne veux pas payer ce prix. » « Écoutez, vous aurez la liberté, mais aussi la gloire et la richesse. Les peuples vous respecteront. Il n'y aura pas de borne à votre puissance. » « Je ne peux pas désespérer de la miséricorde de Dieu. Votre sort est déjà fixé. L'enfer est notre lot, à vous, à moi. S'il reste une chance de sauver mon âme, vous entendez ? En effet, on entend au loin, dans les couloirs des bâtiments, une porte qui s'ouvre, un murmure de voix, bientôt des bruits de pas qui se rapprochent. Mathilde lui dit... Ils viennent vous chercher. Je dois m'enfuir. Adieu. Elle fait vivement demi-tour, se dirige vers la porte. Alors, pris de peur, Ambrosio la rappelle. Il tend ses bras vers elle. Il lui crie, ne partez pas, Mathilde. Je suis prêt. Que dois-je faire ? Signer. Éperdu, tandis que les bruits de pas se rapprochent. Ambrosio suit du regard la direction que lui indique Mathilde. Il aperçoit... Non loin de lui, une lourde table noire enveloppée d'un léger brouillard. Elle porte un gros livre ouvert et une plume d'oie. Ambrosio a un dernier moment de recul. Je ne peux pas. Mais ils arrivent ! On entend en effet les pas s'arrêter devant la porte du cachot. Et de l'extérieur, des mains commencent à défaire les verrous qui ferment cette porte. Mathilde s'écrie, « Prenez cette plume !» Ambrosio lui obéit. « Découvrez votre bras. » Ambrosio remonte les manches de son bras gauche. Sans hésiter, il se mord la chair jusqu'au sang. Ambrosio trempe sa plume dans le sang et vite, sans réfléchir, il signe. Aussitôt, tout disparaît. La table, le livre, Mathilde. Il ne reste dans le cachot qu'Ambrosio et le petit cortège qui s'avance vers lui. On reconnaît l'inquisiteur et son secrétaire, les deux bourreaux, le geôlier. Les cinq hommes paraissent étourdis, hagards. Le grand inquisiteur se passe une main sur le front. Il vacille. Il doit se retenir au mur pour ne pas tomber. Un moment de silence. Ambrosio, incertain, regarde l'inquisiteur. Celui-ci fait un geste aux deux bourreaux qui se dirigent vers Ambrosio et défont rapidement les chaînes qui attachaient ses chevilles. Ambrosio se lève. L'inquisiteur lui dit, en lui montrant la porte ouverte, qu'attendez-vous ? Partez, vous êtes libre. Ambrosio se raffermit, il redresse sa taille, son œil est de nouveau fier et brillant. Il s'avance vers l'inquisiteur qui, imité par les autres personnages, s'incline respectueusement devant lui. On entend au loin s'élever les cris d'une foule immense. Et ces cris vont rapidement, grossissant. L'inquisiteur relève la tête vers le moine, étendant le bras. Il s'écrie d'une voix forte. Écoutez, écoutez la foule qui vous acclame. Ambrosio va vers la porte. Il monte lentement les marches et quitte le cachot. Ambrosio sort du cachot, les cris augmentent. La foule est toute proche. Il se dirige vers cette foule qui l'attend. Il est entouré d'une vive lumière. Il marche avec majesté. Une foule considérable est rassemblée sur la place Saint-Pierre à Rome, comme au grand jour de fête de l'Église catholique. Mais c'est une foule d'aujourd'hui. Les hommes portent des complets vestons, les femmes des robes courtes. On aperçoit dans le fond des automobiles qui passent. Une légère fumée s'élève au-dessus des toits du Vatican. Les cris de la foule redoublent d'enthousiasme et on entend inlassablement répéter ce cri « Viva il Papa, viva il Papa !» De loin, on voit alors le Saint-Père apparaître au balcon de son palais, entouré des principaux dignitaires de l'Église catholique. Il répond des deux mains aux acclamations de la foule qu'il tente d'apaiser. Les cris se taisent et sur la place Saint-Pierre, les fidèles s'agenouillent. Le pape lève les deux mains vers le ciel. Nous nous rapprochons alors du balcon. Le pape abaisse ses deux mains dans un geste très large et il commence à donner sa bénédiction urbi et orbi. À ce moment-là, sous la haute tiare pontificale et les somptueux ornements sacerdotaux entourés des cardinaux du Sacré Collège, nous reconnaissons Ambrosio qui bénit trois fois la foule. C'était Le Moine, lu par Jeanne Moreau. Un scénario inédit, non tourné, de Jean-Claude Carrière et Louise Bunuel. Adapté du livre de Lewis, Le Moine. Cette lecture était enregistrée en public au Grand Théâtre d'Angers dans le cadre du festival Premier Plan d'Angers, le 24 janvier 2009. Équipe de réalisation, Sébastien Royer, Marie Casanova, Blandine Masson.